Ici Maxime Tremblay de l'Épée légendaire. Oubliez le monde réel et montez le volume, car vous entrez dans la réalité augmentée. It's one small step for man. Hey, listen, it's me, Mario. Réalité augmentée, la techno à un autre niveau. La techno à un autre niveau. Shut up and take my money. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel élément de la réalité augmentée à CILEMF.com. Ça, c'est le site internet, aussi en podcast sur iTunes, aussi disponible sur le FactorGeek.com. C'est Jean-Benoît Gagné qui sera avec vous pour les 60 prochaines minutes et pour m'accompagner dans cette autre belle aventure, mes deux co-animateurs, Luc Desormeaux, bonjour. Bonsoir. Et aussi avec nous, Dominique Simard. Salut, Dom. Ouais, d'entrée de jeu, je tiens à dire que je me dissocie complètement de tous les propos que je dirai pendant l'émission. Ça part mal, c'est toi qui... Normalement, ta bouche est censée être liée avec ton cerveau, et donc ton cerveau avec ton jugement, t'es censé être responsable. Problème de la fabrication à naissance, qu'est-ce que tu veux? Défectuosité, rappeler et renvoyer à l'usine. On appelle ça de la désuétude contrôlée, mon cher. Mais qu'est-ce qui se passe pour ne pas être en contrôle de même ce soir? Oh, je sais pas, je me suis levé comme ça matin. Un feeling, tu sais, tu t'es levé du pied gauche? Ouais, exactement. OK. À l'émission, donc, aujourd'hui, comme à notre habitude, on va parler nouvelles, actualités, jeux vidéo, techno, aussi trois sujets, chacun des intervenants qui aura un sujet. Donc, Jean-Benoît Gagné qui sera avec vous à la barre de ce sixième élément de la réalité augmentée. Les deux vérités puis le mensonge, ils viennent quand, eux autres? C'est pas le bon jeu. Patrice Lécuyer n'étant pas des nôtres cette semaine. Tu l'as pas invité? Non, j'ai essayé. Alors, il va falloir qu'on se consulte un peu plus dans les meetings pour organiser le show. Ben là, me semble. Faudrait. Ouais. Comme à l'habitude dans cette émission, ben on commence en parlant des jeux qu'on a joués durant la semaine. On va commencer justement avec toi, mon pas de génie, mon pas de cervelle et surtout pas de jugement, semble-t-il, aujourd'hui. Tu parles de même de Luc? Il t'a rien fait, là? Non. Ouais, c'est ça que je me disais, là. Quoi des insultes comme ça? Gratuite en plus. Ben non. Ah ouais, Dom, c'est à toi. Qu'est-ce que tu as joué cette semaine? Premièrement, ben je continue mon aventure dans Halo 4. Quelle surprise! Ça va-tu se finir à un moment donné, ça, ou... Ben non, pas vraiment, parce que avec le Spawn and Hops, qui est comme un mode que Tree for Legend of Suisse, ils ont intégré dans le jeu qui se trouve à être des missions de plus qui sont gratuites avec des petites vidéos. Donc, c'est accompagné d'une espèce de mini-vidéo qui explique un peu le contexte des missions qui suivent. Donc, ça, je trouve ça vraiment le fun. C'est un réseau troisième. Puis on dit qu'il se rendrait à 5, puis après ça, si ça fonctionne bien, mais ils vont répéter l'expérience. Donc, ça rajoute à la campagne, dans le fond, ce que tu as joué pendant à peu près une dizaine d'heures, comme je disais l'autre fois. Là. Ensuite de ça, j'ai essayé Assassin's Creed 3 Liberation sur la PS Vita. Très bon jeu, j'ai beaucoup de plaisir avec. Beaucoup de jeux de Wii U, donc Super Mario Bros. New Super Mario Bros. U, Zombie U. En tout cas, tu sais, il y a une panoplie de jeux. Là. Fait que ça finissait plus. Là. Donc, ça a été ça pas mal ma semaine dans le jeu vidéo. Toi, de ton côté, Luc? Ben moi, j'ai dépensé 12$ cette semaine et j'ai acheté la série complète des The Walking Dead. Oh. Alors, j'ai commencé à jouer un peu à The Walking Dead et je dirais qu'à date, je suis agréablement surpris. Est-ce que ce sera l'objet d'une critique dans les semaines à venir? Oui, ben je vais essayer de passer à travers pas mal, puis un coup je serai avancé ou j'aurai eu le temps de le terminer. Oui, je vais en faire une critique, mais à date c'est très bien. Ceux qui auraient la chance d'aller le chercher sur Steam, je pense qu'il est je suis pas sûr s'il est encore pas cher présentement, là, mais à 12$, presque donné. C'était le Black Weekend, là. Je sais pas si c'est terminé par exemple les deals. Là. Non, ça continue encore, mais hey Luc, juste en passant comme ça, si tu veux faire une très bonne critique là. Oui. Voler mes critiques sur FactorGeek.com, c'est des très bonnes critiques pour Walking Dead. Oui, OK. Fait que là, ton budget de 12$, ça veut dire que t'as pété ton budget pour l'année d'un jeu vidéo, là. Non, pas vraiment. Hey, une question comme ça, ça te tentait pas, tu sais, un jeu intermédiaire, tu sais, avec ton fils, de jouer à Super Mario, Kirby, puis là, The Walking Dead. Tu sais, maintenant, faudrait y penser à ton garçon dans tout ça, là. Oh oui, il y a en masse d'autres jeux qui jouent tout seul. Présentement, il a pris le Angry Birds Star Wars j'ai sur mon iPad. Donc, lui, il est là-dessus, puis moi, je suis sur The Walking Dead quand il fait dodo ou quand il n'est pas là. Ouais, parce que c'est un jeu qui est ultra violent. Fait que en présence d'enfants, c'est peut-être pas conseillé. En même temps, hey, Jean-Benoît, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Ouais. J'ai joué à Call of Duty Black Ops 2 que j'ai terminé en une journée. Ouais. Écoute, c'est quand même 10 heures. Tu sais, je trouve que c'est bon. Là. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que c'est probablement, à part, je sais pas si tu avais joué le premier Modern Warfare, ouais, avec la passe qui s'appelle No Russian. Okay? Ouais, ouais, ouais. C'est probablement le jeu de tir que j'ai joué le plus violent jusqu'à date. Black Ops 2, je vais donner quelques exemples. Premièrement, il y a des enfants en bas de 12 ans qui ont des fusils qui tirent dessus. Tu vois quelqu'un brûler vif devant toi, tu peux pas rien faire. Ça, c'est sans compter les coups de machette que tu donnes un coup de quelqu'un puis que le sang pisse partout. C'est de nombreux exemples de violence dans le jeu. Là. C'est vraiment... Tu vois, c'est la guerre extrême. Là. C'est solide. Là. C'est, ouais. C'est... Wow! Moi, je fais régulièrement là, dans la grille horaire habituelle de la radio, là, ici, je fais régulièrement des chroniques sur les jeux vidéo pour dire... Tu sais, c'est pas si pire que ça. Ça rend pas zombie, ça rend pas violent. Il y a du bon à aller chercher dans tout ça, mais il faut faire attention à ce qu'on met entre les mains de nos enfants. Il faut vérifier. Puis il faut être alerte sur les produits qu'on achète. Et tu sais, j'en connais beaucoup là, des jeunes là, que les Call of Duty, ils ont passé à travers toute la gang puis ils jouent en multiplayer. Si tu me dis que le dernier, là, le Black Ops 2, est encore plus violent, oh, oui. Il y a une couple de parents qui devraient vérifier ça. Là. Je sais pas jusqu'à quel point c'est bon pour les enfants. Je veux bien qu'il y ait une capacité de discernement de l'enfant de comprendre que c'est pas la vraie vie, mais tu es-tu obligé de le mettre en avant de ça aussi? Effectivement, les parents ils ont beaucoup de travail à faire là-dedans, mais les magasins de jeux vidéo, c'est la même affaire. Là. Je veux dire, si t'es pas accompagné d'un parent, t'es pas supposé de vendre le jeu. Puis si tu penses que la personne, mettons, si le jeu il est 18 ans et plus, il est mature, si t'as des doutes, c'est dans ton droit, puis surtout, c'est dans ton obligation de demander des cartes à quelqu'un, des pièces d'identité, là. Des preuves d'âge, parce que, tu sais, quelqu'un, mettons, 18 ans, par là de 15 ans, il peut te sentir froissé un peu, sauf que toi, par exemple, si un inspecteur qui passe en même temps que tu vends un jeu, puis la personne n'a pas 18 ans, puis c'est prouvé, tu viens de perdre ta job. Oui. Fait que, tu sais, il y a du travail à faire de ce côté-là, mais il y a l'enfant, je me demande, OK, les jeux sont violents, OK, c'est correct d'avoir des enfants avec des fusils, tu sais, OK, c'est beau, c'est très violent, mais. Est-ce quelqu'un qui peut expliquer Hunger Games, pourquoi ça a poigné autant? C'est des adolescents qui s'entretuent. Ah, ça, c'est correct au cinéma. Waouh, c'est beau. Ah non, c'est ouais. Ça. J'ai pas compris. Moi, j'ai pas. Le film, en tant que tel, il aurait été bon, ça avait été des adultes. Mais vu que c'est des enfants, là, je l'ai vu, le film. Je me suis dit, j'espère qu'il n'y aura pas une suite. Ça n'a pas de bon sens. Des adolescents qui s'entretuent, puis tu mets ça comme étant un des meilleurs films. Je veux dire, attends, je comprends pas. Là. Mais c'est, ouais. On dirait que le cinéma est comme. C'est net. C'est lettre de noblesse. Un peu comme la boxe. Comparativement à la MMA, là, on a vu là, le combat de Georges St-Pierre. Il y a tellement des gens qui ont décrié. Puis la même gang, ils vont voir des combats de boxe, puis ils trouvent ça pas violent, alors que le nombre de commotions cérébrales, c'est fois 1000. Ben, un KO, ça équivaut à une commotion cérébrale à chaque fois. Ouais, fait que si tu t'es fait passer le KO 12 fois dans une carrière, t'as 12 commotions cérébrales. Pas compliqué, c'est ça un KO. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, la boxe s'est rendue noble, le cinéma est noble. Tu sais, il y a comme une distance, on accepte que c'est pas la réalité dans le cinéma, alors que dans les jeux vidéo, on fait pas cette distinction-là. Un jeu qui est codé 18 ans et plus, c'est comme si dans le club vidéo, il devrait se retrouver derrière les portes cow-boys. Ben, ce serait presque ça. C'est parce qu'à un moment donné, faut réaliser que pour certaines personnes, les films, tout le monde connaît ça. À peu près tout le monde a vu des films, tout le monde sait un peu ce que c'est. Tandis qu'un jeu vidéo, pour certaines personnes, c'est encore un peu une boîte noire. C'est encore un peu tabou. C'est pas connu. C'est pas vraiment, on sait pas trop comment prendre ça. Donc, puis il y a des jeux qui sont classés matures, qui sont peut-être juste sur la ligne de light parce qu'ils sont un petit peu trop violents. Puis il y a des jeux qui sont classés matures, qui sont vraiment over the top, là, c'est vraiment sanglant puis vraiment dégueulasse à l'os, mais c'est de faire la différence dans ces films-là, dans ces jeux-là, que les gens, certaines personnes ne sont pas capables encore. Ben, d'un autre côté, c'est la même affaire que quand tu vois des jeux, un jeu de basketball, là, okay, ouais. Des fois, c'est marqué violence en arrière, c'est marqué genre contenu explicite puis tout ça, ou tu sais, langage offensant. Je t'en ai joué au basketball, là. Fois, l'espèce de rating qu'il y a, la notation, là, des fois, dans des jeux, là, c'est un peu poussé, je trouve. Là. À un moment donné, c'est comme, OK... Comme s'il manquait de nuances un petit peu. Ceux qui font les cotes, effectivement. Là. Puis il y en a des fois qui sont pas assez cotés, justement, aussi. Ouais. Mais ça reste que c'est un manque, pas nécessairement peut-être un manque de connaissances ou un manque d'informations que certains parents ou surtout grands-parents ont. Je me rappelle une journée, j'étais dans un eBay Games, pour pas le nommer, puis moi, je parlais avec le vendeur, tu sais, as-tu quelque chose à me suggérer, puis ça, puis il y a une grand-mère qui arrive, elle dit, excusez-moi, monsieur, juste deux minutes. Je dis, c'est beau, allez-y. Puis elle commence à parler au monsieur, elle dit, là, je cherche tel jeu pour mes enfants. Ah, puis mon petit-fils m'a demandé Dead Island. Quel âge qu'il a, madame? Il a 8 ans. Je regarde le gars du eBay Games. Le gars la regarde, dit madame, il dit, vous savez que c'est violent, là. C'est pas pour les enfants, les c'est classé mature. Elle avait aucune idée. C'est ça, les parents sont mal informés. Puis si l'enfant ou le jeune adolescent, il arrive et dit, ah, père, pour Noël, je vais prendre ce jeu-là. Ah, c'est-tu bon, ça? Ah, oh, ouais, c'est bon, tout ça. Puis regarde, il montre, mettons, quelques clichés sur Internet qu'il a trouvé qui sont pas trop violents, tu sais, qui... Ah ouais, ok, c'est beau, fils, je vais te l'acheter ton jeu. Après ça, là, il ne s'installe pas avec son enfant pour aller voir parce qu'il y a bien des parents que les jeux vidéo, ils n'en ont rien à foutre. Là. Ouais. Cet enfant-là peut faire ce qu'il veut, mettons, il a sa console déjà, sa télé dans sa chambre, il s'installe, il joue n'importe quoi. Sauf que c'est un travail 24 heures sur 24 d'être un parent. Là. C'est non, pas oui, un enfant. Moi, je m'excuse, mais avoir un enfant puis de le voir jouer, mettons, comme tu vois, dans Cincy, j'ai joué à Zombie U. OK, son genre Mario, ça fait comme ça. La petite de ma copine qui a 4 ans, elle va aller s'installer à côté d'une autre, elle va faire semblant de jouer avec nous autres, c'est parfait. Mais quand j'ai joué à Zombie U en après-midi, il y a quelques jours, j'ai dit non, regarde, tu vas jouer dans ta chambre, il n'y a pas d'affaire que tu t'installes devant la télé puis tu regardes le jeu. Là. C'est beaucoup trop violent. Là. Ouais, j'ai hâte, puis j'essaie de le développer ici. J'essaie de faire ma part pour informer les gens là-dessus. Puis un peu en faisant l'émission ensemble, bon, on va faire notre part, mais il y a cette distance-là qu'il n'y a pas avec le cinéma ou la télé. Tu sais, les gens sont conscients de ce que tu peux avoir là-dedans, puis que c'est pas tout qui est pour tout le monde. Tandis que dans les jeux vidéo, il y a tellement une mentalité de la population en général de dire « Ah, c'est pour les ados, t'sais, c'est pour les jeunes, c'est les jeux, t'sais, c'est pour les enfants. » Alors que c'est pas tout à fait vrai. La moyenne d'âge des gamers aujourd'hui, c'est au-dessus de la trentaine. Oui, puis de toute façon, la plupart des gros blockbusters, les gros jeux qui sortent l'été, c'est des jeux matures de toute façon. Ouais. Tu parlais, Jean-Benoît, la plus grosse génération de joueurs, justement, se situe dans la tranche des 25 à 40 ans. C'est pas pour rien, c'est parce que nous, on a grandi avec les jeux vidéo. Ma première console vraiment officielle que je me suis payé moi-même, ça a été la première Nintendo en 86 que je suis allé chercher aux États-Unis. Fallait vouloir. Ben oui, sauf que tu sais, dans ce temps-là, elle était pas arrivée au Canada encore, puis j'ai pris d'avance, ça m'a coûté 150$ de ma poche, puis je l'ai acheté. Ben, tu sais, à partir de ce moment-là, je dis, les jeux, c'était pas comme aujourd'hui. Là. Oui, il y avait des jeux violents, mais je dis, tu sais, il y avait des Ninja Gaiden, des affaires comme ça, mais c'était pas, la violence n'était pas aussi graphique, n'était pas aussi représentée qu'aujourd'hui. Ouais. Il y a ce réalisme-là qui. Mais tu sais, d'un autre côté, je pense au jeu Limbo qui est en noir et blanc, qui est hyper violent, mais ça a l'air d'un conte de fées, tu sais, quand tu regardes la prémisse générale. Mais quand tu t'attardes un petit peu plus aux détails, tu fais comme, hey boy, OK, c'est vraiment intense. Quand il pile dans un piège, là, tu vois, il coupe en deux, il écrase, tu sais. Mais l'effet noir et blanc atténue, tu sais. C'est ça, mais faut se rappeler une chose. Oui, c'est un jeu, mais autant ceux qui travaillent dans les magasins de jeux vidéo, autant que les parents, ils ont un travail à faire à ce côté-là. Puis malheureusement, il y a beaucoup de désinformations faites par les enfants qui veulent absolument avoir leur jeu, fait que, tu sais, ils peignent en rose, ils disent tout, ah ouais, non, c'est pas si pire que ça, le jeu, il est parfait en tant que tel. Je suis d'accord, sauf que expose vraiment la situation à tes parents, puis on en reparlera si tu vas repartir avec le jeu ou pas, tu sais. Ouais. Moi, cette semaine, parce que là, on va avancer aussi un peu, c'est un bon débat, c'est important de le mentionner. Puis une fois de temps en temps, c'est bon de le rappeler, surtout pour les gens qui sont pas familier avec ce milieu-là. Ben, tu viens de me donner une idée pour la Force G. Voilà. Si jamais on fait des débats là-dessus, tu te joindras à nous. Ben oui, pourquoi pas. Mais ben, je pense qu'on va avoir pas mal la même opinion. Ça sera moins enlevant que la dernière fois quand je suis allé. Ben non, mais un gars en région, on peut avoir son opinion pareil, c'est important. Moi, cette semaine, ben écoute, encore une fois, l'aventure sur ma 3DS avec les Pokémon, c'est poursuivi, mais c'est vraiment un temps perdu. Tu sais, un 2-3 petites minutes de jeu, ben je me lançais là-dedans. Sinon, ben écoute, j'ai dévoré Forza Horizon. Je me suis adonné à ça presque grâce compulsivement. Grâce à toi. Et c'est pas mal les deux titres. D'ailleurs, Forza qui sera l'objet de ma critique. J'en avais fait l'aperçu la semaine passée, mais là, je vais vraiment passer à travers. La note va être bonne. La note va être très, très bonne, je vous le dis tout de suite. On y va avec les nouvelles? Oui. On est prêt? Le studio Frima qui... et est originaire du Bas-Saint-Laurent qui va se transplanter, se déplacer du côté de Montréal. On va ouvrir un studio là-bas et ce n'est pas simplement pour faire du jeu vidéo, même que ce ne sera pas du tout la vocation du studio montréalais, mais bien de se lancer dans la télévision et dans le cinéma. On le sait, de plus en plus, les jeux vidéo sont grillés, entre guillemets, de superbes cinématiques. Il y aura, tu sais, il y a un côté théâtral dans cette histoire-là. Tu sais, le lien entre le jeu vidéo et le film se fait de plus en plus serré. Et le PDG de Frima, Steve Couture, qui a donc en entrevue mentionné à la presse qu'eux, ben, ils voulaient lancer un nouveau studio du côté de Montréal, télé, cinéma, c'est ça vers quoi ils voulaient se tourner. Faut dire qu'ils ont plus de 500 jeux à leur actif depuis 2003, plusieurs en sous-traitance. J'ai d'ailleurs un de mes chums qui travaille pour eux, qui fait beaucoup de jeux pour les plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook, pour d'autres entreprises, justement. Et ben, tu sais, ils en ont fait plusieurs, puis ils n'ont pas nécessairement fait le tour du jardin, mais veulent se lancer dans un autre projet. Donc, ça serait intéressant. Frima, qui est la plus grande entreprise dans le domaine du jeu vidéo, entreprise privée et de ici, du jeu vidéo au Québec. Donc, bien plaisant pour eux de voir qu'ils se lancent dans d'autres choses. Ils sont plus nombreux que... sont 360 personnes, ce qui est un peu plus que les 240 de Beaver, l'autre plus gros studio qui est québécois. Tu avais raison pour le côté cinéma, parce que tu regardes les films qui sont supposés être faits. En tout cas, Halo, on en parle depuis longtemps. Mass Effect, il y en a un qui s'en vient. Assassin's Creed. Bioshock, c'était dans les plans, mais ça a été abandonné par cause trop violent. Assassin's Creed, c'est clair qu'ils vont en avoir un, puis ils ont ouvert un studio de cinéma, justement, à Toronto. Il y a des écrivains là-dessus, scénaristes. Eidos, avec Square Enix sur Deus Ex Human Revolution. Il y a un film qui s'en vient là-dessus aussi. Tom Raider. C'est sûr que tu regardes de plus en plus un jeu vidéo, ça ressemble à un film. C'est bâti comme ça, c'est réalisé de la même façon. Les cinématiques, c'est aussi beau qu'un film. Regarde, prends Max Payne. Tu prends Max Payne en jeu, tu le transfères juste en animé, puis ça fait le travail. Là. C'est sûr. Il est aussi beau que ça. Là. Fait que, des jeux à ça, c'est rendu comme un film interactif. Donc, effectivement, c'est vrai. C'est le prochain pas, là. Uncharted 3, il est bâti comme ça. On dirait un film interactif, ouais, vraiment. Nintendo a déjà dans son plan une nouvelle console. OK, c'est pas tout à fait une nouvelle console. C'est plutôt une version mini de sa console, la Wii, le 7 décembre. Tu sais, question de tout de suite s'enlever de l'exposure sur la Wii U. Tu sais, de la mise en marché un peu douteuse de Nintendo. C'est aussi imbécile comme décision que la PlayStation 3 qui est sortie qu'elle a d'un an climatisé. Tu travailles sur une nouvelle console, là. OK, pourquoi sortir une nouvelle console? Puis là, Nintendo, ils viennent d'en sortir une. Pourquoi tu veux sortir une nouvelle mini ancienne modèle Wii? Je veux dire, écoute, je veux bien que tu veux faire de l'argent, là, mais t'en auras plus de jeux sur la Wii. Ça a été dit et redit depuis une semaine. Il y en a plus de jeux sur la Wii en développement. Là. C'est fini. Là. Ils se concentrent tous sur la Wii U. Pourquoi tu nous ressors une autre console? Je pense qu'on veut faire un peu comme la PlayStation 2 qui vit encore. Il y a encore certains titres qui sont produits pour elle, même si elle est très, très âgée, dans des milieux moins bien nantis, où est-ce que peut-être qu'on n'aurait pas accès financièrement à une console de la génération actuelle. Puis on est quand même capable de s'en sortir assez bien. Puis la console, le coût est amorti, ça te coûte quasiment plus rien à produire. Donc, ils ont vendu près de 100 millions de Wii. OK, qui va l'acheter encore? Il y a ça. Puis le dernier modèle qu'ils ont sorti, là, ils ont enlevé tout ce qu'ils avaient pu enlever. Tu sais, la rétrocompatibilité de la GameCube, ils ont enlevé ça. C'était intéressant. Ils l'ont enlevé. Fait que là, s'ils la font plus petite que ça, ils vont enlever quoi dedans? Là? Tu vas mettre un disque, puis oh, il va sortir à moitié parce qu'il rentre pas au complet? Non, à un moment donné, c'est... Non, j'aime bien Nintendo, là, mais des décisions de câble, il y en a qui en prennent, puis Nintendo vient d'en prendre toute une. Si c'est vrai, c'est une rumeur qui est fondée, disons, là. C'est vraiment imbécile comme décision. Ben, je n'ai pas de félicitations à leur faire, mais pas du tout. Le 7 décembre, tu sais, la date est quand même relativement proche. Si c'est une rumeur, moi, je pense pas. Je pense que c'est bel et bien annoncé et que ça va sortir. Si c'est une rumeur, ça s'en vient très, très rapidement. C'est n'importe quoi, puis c'est du niaisage. Ben, c'est parce que t'enlèves les lumières sur ta nouvelle console qui est la Wii U, puis tu dis, regarde, ouais, mais si t'es pas capable de te payer ça, t'as ça aussi. Ben, tu sais, je ne comprends pas moi non plus. Qui commence par produire des consoles assez pour que le consommateur puisse en acheter, la Wii U, là. Parlant de ça, la Wii U, on a vendu 400 000 exemplaires en 7 jours. C'est pas beaucoup, mais avec raison, parce que là, fin de la demande est là, puis il n'y a pas assez de consoles pour le monde. Il n'en reste plus. Mais on avait dit chez Nintendo qu'on allait pas revivre les mêmes problèmes que lors de la sortie de la Wii. Ben, écoute, on a vendu 200 000 de moins que la Wii à sa première semaine, alors qu'on avait cumulé 600 000 Wii vendus lors des 8 premiers jours de vente. Ouais, les précommandes de la console, ils étaient le double quasiment de la Wii. Ben, c'est quand ça, tu vois, mettons, quand ça fait 4 mois que tu vois que tes précommandes ont explosé la Wii, là. Des niaises! T'engages du personnel de plus, ou je sais pas, tu construis des nouvelles chaînes de montage, je sais pas comment ça fonctionne, mais il me semble que tu essaies de satisfaire ton public, là. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que t'as 400 000 Wii U qui ont été vendus la première semaine. Ah oh ouais. Mais la même période de temps, t'as 300 000 Wii qui ont été vendus. Tu sais, c'est directement relié, là. C'est le même marché, c'est les mêmes gens qui sont visés, et t'as le trois quarts de tes ventes. T'as 75 % de tes ventes qui ont été faites qui étaient en Wii. Puis ben, après ça, on ajoute le mobile, là, 250 000 pour la 3DS et 275 000 pour la DS. Donc, les modèles moins chers de Nintendo qui trouvent encore leur public. Jean-Benoît, je vais t'expliquer un principe, OK? J'étais au micro-play aujourd'hui pour pas le nommer, aller voir mon ami là-bas. On a commencé à jaser un peu, puis je regarde, au fond, tu m'as regardé, il dit, « Hey, Martin, t'as une Wii U blanche? OK, ça fait combien de temps que ça va? Pas loin d'une semaine. » Hein? Puis t'avant pas, il dit non, le monde veut des noirs. Ben oui, on okay, a dilué là, la production. Ça, ouais, mais c'est ça. Ça, c'est notre affaire qui explique bien des choses. C'est que t'as mis sur le marché plus de blanches que de noirs, mais le monde, ils veulent quasiment juste des noirs. Fait que là, t'as des consoles qui sont en magasin qui se vendront probablement pas jusqu'à temps que t'aies des noirs en magasin. Pourquoi avoir fait deux modèles? Je veux dire, pourquoi tu n'as pas fait juste un? À la limite, on aurait pu attendre. Mais pour la sortie, dans tes usines, produisant rien qu'une, là, tu as dilué ta production en deux, tu l'as coupé en deux. Il faut produire autant, sinon plus de blanches, qui est la version de base pour un public qui a moins d'argent. Ouais, ben, elle sert à rien. Mais parce non, que c'est ça. Déjà en partant, OK, mettons, tu ne mets pas de clé USB de plus, tu n'as pas de disque dur externe chez toi. Mettons, OK, ça se peut, là. Ta console en partant, elle a 8 GB. Tu en prends 5, pas loin de 6 pour l'installation de tout ce qui vient avec quand tu fais ta première mise à jour. OK? Ensuite de ça, tu as des jeux comme Nintendo Land qui prend 200 MB la mise à jour. 200 MB pour une mise à jour quand tu l'installes la première fois. Fait que ça veut dire que tu installes 3 ou 4 jeux, tu n'as plus de place sur ton disque dur. Ben, en tout cas, c'est ta mémoire flash. Ça va bien. Ça va très, très bien. Ouais. Bon, on mise vraiment le fait que ce sera l'usager qui va dépenser pour aller chercher un disque dur physique, externe, pour compenser la faiblesse de la... Mais tu sais, ça fait une mise en marché. Disque dur externe, là, il faut qu'il soit juste utilisé avec ta Wii U. Tu peux pas l'utiliser par après, l'enlever, mettre d'autres choses, puis le rebrancher sur ta Wii U. Non, non, non. Il faut qu'il soit en tout temps branché avec ta Wii U. Mais ça, c'est pas le problème de Nintendo. Oui, OK, je comprends que c'est pas pour l'utilisateur, mais Nintendo, lui, il est capable de présenter une console moins cher au public, qui va être accessible financièrement pour que le plus de gens possible puissent l'acheter. Puis après ça, déniaisez-vous avec le problème. Oh! Hey, j'ai pensé proche de l'échapper. Après ça, c'est moi qui dissocie de mes propos. Non, mais je veux dire, c'est plate, sauf que, tu sais, mettons, dans Wii noir, OK, là, le modèle, le Wii U noir, là, mettons, le modèle de luxe, OK? Hey, 32G, gros luxe. Enlève l'espèce de socle que tu mets ta console debout dessus, là. Peut-être enlève, je sais pas moi, le sensor bar, que si quelqu'un a une Wii, c'est le même. Sauf peut-être un 20$ déjà sur ta console. Fait que, tu sais, ça tente pas de prendre ce 20$-là, mettons, puis de le mettre sur de la mémoire de plus, mettons, la monter à 50 gigs, mettons. Tu sais? Parce que t'as-tu vu la grosseur des jeux? Mettons que t'achètes en version dématérialisée, là. Assassin's Creed 3, là, sur la Wii U, quand tu l'achètes, mettons, sur le magasin en ligne, là, c'est 15 gigs. Oh, c'est pas très grave, 15. C'est trois fois le. C'est ça, 3-4 fois l'espace que tu as disponible sur la Wii de base. C'est exactement. Puis sur la 32G, ben, une fois que tu l'as installé, mettons, il t'en reste peut-être quoi, 25-26. Après que tu t'es tout installé, mettons, mettons, téléchargé des applications, il te reste 10 gigs d'espace après. Belle décision. C'est une belle console, là. J'ai beaucoup de points positifs à dire, là. Mais pour le stockage, c'est un peu moyen comme décision. Je vais passer à la prochaine nouvelle. Ça sera la dernière du bloc nouvelles de cette semaine. Il y a Yves Guillemot, qui est le PDG d'Ubisoft, qui est un peu fâché de la durée de vie actuelle des consoles, l'Xbox 360 et la PS3, qui ont un cycle de vie beaucoup plus long que ce qu'on avait prévu. Et il dit, lui, et c'est un cri du cœur presque envers l'industrie, que ça pénalise les créateurs de jeux vidéo dont lui-même, parce qu'il est à la tête d'Ubisoft, qui est une entreprise qui produit d'excellents titres, mais ça les empêche d'aller à la hauteur de ce qu'ils voudraient créer comme titre. Ça met des barrières physiques et matérielles et de capacité des consoles qui sont... commence à dater. Là, ça veut dire que les caves, c'est pas grave, vous n'avez plus d'argent, mais vous allez acheter une nouvelle console. Fait qu'ils pensent juste encore à leur maudit portefeuille et leur argent qu'ils peuvent faire sur notre dos. Oui, parce qu'une nouvelle console, quand ça sort, c'est quoi? 600-700$, dépendant de la console, 500, 600, 700. C'est ça, exactement. Fait que la prochaine console, OK, fait que PlayStation, Sony a amené la PlayStation 4, je vais m'acheter une console à 700$, puis j'aurai pas d'argent à m'acheter des jeux. Ouais. Tandis que là, ben, ma console est payée, ou si je veux m'acheter une nouvelle Xbox, une nouvelle PlayStation, c'est quoi, 200$, 250$, je peux m'acheter peut-être une couple de jeux avec, tu sais. Fait que c'est vu avec des yeux de quelqu'un qui veut une nouvelle console pour développer des nouveaux jeux, c'est ça. Il est là pour me faire croire que je me sens mal parce qu'on a des jeux en développement, mais on peut pas les sortir avant l'année prochaine. Je pourrais dire un mot qui commence par F, puis je m'assumerais totalement. Regarde, ce que tu veux, c'est ta boîte là. Ouais, non, je c'est dire, ça. À un moment donné, c'est comme, regarde, arrête de prendre le monde pour des imbéciles, puis dis que tu veux juste avoir notre argent, puis ça va être bien correct dans moi. Au moins, tu vas être honnête. Ce qui est pas présentement. J'aime bien Yves, là, avec son accent français, c'est tellement drôle de l'entendre au A3 aussi, là. Mais prends-nous pas pour des imbéciles non plus. Il dit que le lancement d'une nouvelle console est aussi le moment privilégié pour lancer des nouvelles franchises, donc qu'ils sortiennent présentement de sortir des nouvelles franchises. C'est bizarre, il n'a jamais bâché sa PS2 qui est rendue à 10 ans de vie. J'ai jamais entendu bâcher sa PS2. Ouais, mais là, c'est il en a sorti des jeux d'Ubisoft sur la PS2. J'ai jamais entendu dire « Oh, mais ça ralentit le développement, puis tu sais, non. » Écoute, la Xbox, là, elle a 6 ans. Elle a 7 ans. La PS3, elle a 6 ans. Ouais. C'est quoi, le cycle de vie, vous voulez être comme 3-4 ans? C'est probablement ça qu'ils veulent. 3-4 ans max, puis après ça, on va avec une nouvelle console. De toute façon, on sait pas mal tout que c'est la dernière génération de consoles avec du contenu vraiment physique. Là, après ça, ils vont essayer de nous envoyer ça dans le nuage le plus possible. Moi, je pense qu'ils vont offrir les deux. Ils n'auront pas le choix, parce que surtout pour si le Canada, ce qui est la plaque tournante, c'est à Montréal, si on se met tous les gamers à dos, parce qu'on n'a pas vraiment de bande passante, puis ça coûte un prix de fou essayer de l'augmenter. Je pense qu'ils vont revoir leur solution, puis ils n'auront pas le choix d'y aller avec deux solutions possibles. Comme Nintendo et Sony font présentement. Tu peux offrir autant le jeu à vendre dans un magasin, puis autant c'est ton magasin en ligne. Ouais. Tu laisses le choix au consommateur dans ce temps-là. Ouais. Tu sais, ce que je trouve imbécile aussi, puis ça, j'en reviens pas, puis j'en ai parlé justement avec mon ami Martin aujourd'hui, et que Martin est gentil. Je comprends pas c'est quoi le calvose de but de Torpinouche de Saint-Simonac de nous offrir le jeu, le même calvose de prix en téléchargement qu'en magasin. T'as pas de pochette, t'as pas de livret, t'as rien. Pourquoi tu ne baisses pas 10-15$ ton calvose de jeu au moins? D'ailleurs, il te sauve de l'essence, t'as pas besoin de sortir pour aller le chercher, tu peux rester dans ton pyjama puis t'acheter ton nouveau jeu sans avoir à sortir de chez vous. Ouais, puis la bande passante, ça se paye. Oh, mais ça, la bande passante. Ouais, ça, c'est ton problème, là. Pas important pour eux autres, ça, là, la bande passante, voyons donc. Tu sais, il faut faire à un moment donné que, tu sais, je pars pas, je m'en vais pas avec une gang, puis un site internet qui s'appelle Gamers Rebellion pour rien. Hein. Tu sais, les joueurs là, qui vont se rebeller contre les AAA, justement, qui sont écœurés de prendre notre argent dans nos portefeuilles, là, ben c'est ça, là. Ça s'en vient, justement, là. Il y a de plus en plus de joueurs qui sont écœurés de se faire avoir avec leur argent dans le portefeuille, de se le faire enlever, qu'il n'y a plus de service, qu'il n'y a plus rien par après. C'est comme. Bon, t'as acheté ton jeu l'année passée, nous autres, on décide de fermer le serveur, t'as pas un mot à dire, ferme ta boîte. OK, mais c'est parce que moi, je continue à jouer en ligne. Là. Je fais quoi, là? Ouais, c'est t'sais? Ça. Fait que, tu sais, c'est. Il va falloir qu'à un moment donné qu'on se réveille, puis que. Le seul pouvoir, c'est nous autres qui lentent les mains. Là. Si on décide de ne pas acheter le jeu d'une franchise, là, ben, la compagnie n'aura pas le choix de comprendre que. C'est vrai. On va peut-être aller un peu fort. Hein. Moi, je me souviens l'année passée, quand EA, ils ont dit 2012, on va aller chercher 15 milliards de profits. Mm-hmm. T'es même pas au corps présentement, le grand, puis l'année est finie. Bravo. Ah oui, c'est voir un peu trop grand. Ben, comme en dirait l'autre, offre des produits de qualité, tu vas avoir mon argent. Offre-en pas dans ta face. Ouais. EA misait beaucoup sur le DLC et misait aussi pas mal sur probablement un jeu qui s'appelle Star Wars The Old Republic. Ouais, sauf que, ouais, il voyait comme le World of Warcraft killer, là. C'est ça, puis ça n'a pas marché. Fait que, ben non, il est rendu en free-to-play maintenant, et avec raison, je veux dire. Faut que tu soutiennes ton jeu, là. Tu sais, il t'offre une extension, mettons, aux 6 mois, OK, sauf que ton jeu, il n'est pas long à finir. Pis c'est vrai que World of Warcraft, c'est infini, mais Star Wars, The Old Republic, là, la campagne, je veux dire, c'est pas trop long à finir. Là. Tu passeras pas 200 heures dessus, là. C'est assez long à finir. Là. C'est juste qu'ils ont, été en retard pour mettre certaines choses en ligne que les autres MMO avaient. Fait que ça a pris du temps, puis ça a pris trop de temps. Ouais, sauf que tu dis que c'est long à finir, sauf que tu peux le faire tout seul quasiment. Oui, tu peux le faire World of Warcraft, tu n'as pas le choix d'être avec du monde. Exactement. Ça se passe en multijoueur, ça se passe là. Puis l'effet de gang est important dans le sens que si tes chums jouent, ben ils vont dire « Hey, viens jouer avec nous autres ». Si t'as un de tes chums qui lâche, ben, hey, c'est toi qui vas dire à l'autre, hey, reviens-t'en, là, viens jouer. Tandis que là, Star Wars The Old Republic, si tu peux le faire quasiment tout seul, tout le long, t'as pas ce sentiment-là de hey, faut jouer avec ma gang, faut pas que je lâche le groupe. C'est pour ça que World of Warcraft, ça va probablement être le dernier jeu payant mensuel. Parce que, tu sais, regarde, tu regardes Secret World, qui était payant, qui est devenu free-to-play. Star Wars The Old Republic, qui était payant, devenu free-to-play. Guild Wars, depuis le début, le premier puis le deuxième, ouais, sont free-to-play depuis le départ. Mais regarde le succès que Guild Wars 2 y a en ligne, par exemple. C'est fou, là. C'est mon jeu PC de l'année à date, là. On va passer à la première chronique. T'en as manqué une cette semaine. T'as pas vu la nouvelle qui est sortie dans la presse? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, Microsoft s'attaquerait à Google avec des lunettes de réalité augmentée. C'est un hommage à Bizarre. Toujours mieux que le 3D, on s'entend là-dessus. Je pense que... Non, mais juste, ça avait rapport avec le show. Je pensais que tu parlerais de la nouvelle. Ils ont déposé un brevet pour faire comme Google a fait avec ses propres lunettes qui ferait que tu porterais ça puis ça donnerait des informations complémentaires quand tu vas à des places. On peut-tu demander une histoire là-dessus vu qu'ils prennent le même nom que tu podcastes? Je pense que c'est nous autres qui a pris le nom. Fait qu'on va se tenir tranquille juste au cas où que ça leur tenterait à eux autres de nous actionner. Ouais, juste au cas. Tiens, ça mort de même. Bon, OK, ben le podcast d'abord, il s'appelle Réalité augmentée, mais pas. Réalité augmentée, mais on est gentil avec Google, donc actionnez-nous pas. C'est comme ça que c'est ça. Google, c'est Microsoft. Ben Microsoft aussi, là. On va être fin que tout le monde. Ben, là, on va essayer. Excuse, mais moi, je suis là pour bâcher. Fait que... Moi, là, je suis capable de me mettre tellement plat comme un tapis, là, si ça lui tente de passer. Let's go. Non, au pire, on le sait, ça, Jean-Benoît, on sait très bien que t'es comme ça. Première chronique, ben écoute, on a évacué un peu de frustration ensemble. Là, on va aller dans le fun, dans l'humour, dans le plaisir avec The Expendables 2, les Sacrifiés 2, le film de Stallone et sa gang. Luc, t'as été écouter ça, moi aussi d'ailleurs, j'ai mis la main dessus, donc on va pouvoir en jaser ensemble. Ouais, écoutez ça en fin de semaine avec Madouce. Madouce qui est une fan de Chuck Norris. Donc quand j'ai dit ouais, il y a un illustre inconnu qui joue dans la deuxième version qui s'appelle Chuck Norris, elle dit ah, on l'écoute-tu à soir. fait que les Expendables 2, qu'en français Les Sacrifiés 2, qui est un film réalisé par Simon West avec un scénario de plein de monde dont Sylvester Stallone lui-même, ça dure 102 minutes. Donc c'est avec Sylvester Stallone, Jason Statham, ceux qui connaissent Jason Statham, c'est celui des films Transporter. Pas de R, Statham. Statham, excuse-moi, je mettais un R parce qu'il n'y en a pas. Statham, c'est Monsieur Transporteur lui-même. Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger et un petit Liam Hemsworth qui est, oui, le frère de l'autre. Donc, le frère de Chris Hemsworth qui est Thor dans les Avengers. Un peu moins sa coche, par exemple. Un peu moins sa coche? Ouais, un peu moins, là. Non, il est correct là, mais c'est pas un grand rôle qu'il y a dans le film, mais il est là. Puis ceux qui auraient écouté la série Buffy contre les vampires ou Angel, ben il y a Charisma Carpenter qui jouait là-dedans, qui jouait Cordelia. Ceux qui s'en rappellent. Donc c'est un film oui d'action. Le scénario. Bon, dans ce genre de film-là, le scénario est plus ou moins important, mais l'histoire est quand même bien. C'est finalement une carte où est caché du plutonium en grande quantité qui est volé par un groupe de terroristes qui est finalement mené par le très célèbre Jean-Claude Van Damme. Puis la gang de Sylvester Stallone ben, vont pour essayer de récupérer ce plutonium-là des mains du méchant. Donc, je vais vous sauver certains détails qui arrivent jusque-là parce que je ne veux pas spoiler le film non plus. Ouais, il n'y a pas tellement épais de scénario. Donc, si tu dis quoi que ce soit, je pense qu'on va être pas mal, déjà d'un spoiler. On va pas mal spoiler. Non, c'est un film d'action dans le plus pur film d'action des années 80-90 là, avec du monde. Si ça vous tente de compter le nombre de monde qui meurt dans les premières 5 minutes du film, amusez-vous, mais vous êtes mieux d'avoir beaucoup de doigts à votre portée ou un petit compteur avec des billes parce que c'est vraiment énorme. C'est pas classé mature pour rien. C'est vraiment un film où il y a du monde qui meurt à la pelletée. Ça ressemble vraiment au film qu'on a vu déjà, Commando ou peu importe les films d'action du temps. La violence est pas graphique. T'sais, on suppose que les gens meurent parce qu'on veut, on voit pas de tête arrachée, on voit pas personne de transpercée. T'sais, c'est pas graphique, c'est pas une violence qui est dégueulasse à voir. On n'a pas vu le même film, je pense. Ben écoute, moi je l'ai trouvé soft dans sa représentation de la violence. Ben moi je trouve que je pense qu'il y a quelqu'un à quelque part dans le coin de Stallone qui a découvert avec ce film-là comment faire des effets de tête qui explose et de sang qui gicle avec les par ordinateur. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment exagéré par bout. Là. Ah ouais? Quand il rentre dans le premier campement au Népal, puis qu'ils vont essayer de sauver un leader chinois qui s'est fait enlever, et en plus, on retrouve un autre personnage de leur gang qui s'est fait enlever, mais qu'ils ne savent pas. On donnera pas de punch encore. Quand que ça rentre là, puis ça se met à tirer partout, si tu regardes la scène encore une fois, puis quand ça commence à tirer tout le monde qui sont au deuxième étage des buildings ou même en bas, ça gicle pas mal. Okay. C'est vraiment. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être même exagéré. Là. Bon, Ils ont usé beaucoup de la technique de la tête qui explose avec peu importe le programme d'animation qu'ils utilisent. Là, c'était vraiment... Copier-coller. Oui, c'est ça. C'est pas mal ça. C'est pas que c'est grave, parce que c'est le genre de film qu'on s'attend à ça. Je veux dire, on s'attend à voir du sang, puis que ça gicle un peu, parce que, je veux dire, du monde qui se fait tirer, théoriquement, ça devrait saigner, tu sais. Mais jusqu'à quel point, ça, c'est d'autres choses. Il y a même une scène, à un moment donné, c'est quand même très drôle, parce que il y a un gars qui sort de nulle part, puis c'est le seul méchant qui reste, qui sort du coin, puis quand il sort, tous les gars de la gang sont tous ensemble puis ils se mettent tous à tirer dessus en même temps. Puis tu vois vraiment que son corps se désagrège à mesure que les balles rentrent dedans. Ouais. Mais Celui-là, oui. Puis en plus, ça amène la citation la plus mordante du film. Ils disent « Rest in pieces ». C'est ça. Fait que, meurt en pièces, mais c'est... J'ai trouvé que l'effet était mal fait. Par exemple, ça sautait tellement aux yeux que c'était fait par ordinateur que ça en était presque drôle. Là. Mais c'est pas un film qui se prend au sérieux non plus. On le sait que c'est un film d'action. On sait que les gars font ça. Le premier Expendables a été fait parce que Stallone, il disait « Je veux ramener ma gang de chums, ma gang de vieux chums qui faisaient des films d'action du temps, qui sont tous des has-beens, qui ont plus de rôle. Personne veut lui donner rien à cette heure. Puis je vais les amener dans un film puis on va se faire un film de gars. » On va avoir du fun à tourner, puis le monde qui aime les films d'action vont aimer ça, puis ça a donné le premier Expendables. Mais j'ai trouvé que dans le deuxième, c'était plus assumé le côté parodique des films des années 80. Le fait de « on est là pour avoir du fun, puis on le fait gros ». T'sais. Dans le premier, j'avais l'impression qu'on voulait raconter une histoire, puis le fait qu'il y avait des personnages qui étaient crampés par plein de vieilles vedettes, c'était un addon presque. On l'utilisait pas ça à l'avantage du film. Ouais. Dans le deuxième, on s'assume, on sait que le monde qui ont payé pour aller voir le film savent à quoi s'attendre, donc on y va. Puis juste le début du film, quand ils rentrent dans le camp au Népal où ce qu'il faut qu'ils sauvent la personne, je veux dire, t'es voir rentrer à pleine vitesse en conduisant 4-5 camions, puis ça tire partout, puis ça tire en conduisant, puis ça c'est vraiment assumé. C'est on rentre dans le tas, puis on est certain qu'il y a pas personne dans notre gang qui va mourir, puis les autres vont tous se faire éliminer. Fait que c'est un film qui est très bon. Si vous aimez les films d'action, vous allez adorer. Vous allez passer un bon petit 102 minutes. La seule chose que je m'attendais à plus, puis je sais pas si c'est pareil comme toi, c'est la présence de Chuck Norris. Ouais, le personnage un peu de loup solitaire, c'est d'ailleurs comme ça qu'il se surnomme là, dans le film. Où est-ce qu'il fait comme deux apparitions, puis à toutes les fois, il est comme trop awesome. T'sais, il est juste comme trop fort pour la ligue. Ouais. Bute tout ce qui bouge, puis après ça, il se retourne. Merci. Mais c'est ça. C'est un peu la mythologie de Chuck Norris sur Internet, qui est Chuck Norris est presque un dieu, si tu vas sur Internet pour certaines personnes. Quand ils l'ont mis dans ce film-là, je me suis dit, ils vont lui donner un rôle, tu sais, un gars qui est sûr de lui, qui va arriver, puis il va tuer tout le monde. Puis un peu comme c'était dans ses films, là, au ralenti, là, puis le tuer qui tire, puis le tuer les autres tomber. Mais il fait une grande entrée, une entrée bien grandiose. puis après ça, ils font marcher vers les autres gars, puis je veux dire, je le regardais marcher, puis s'en venir vers lui, c'est comme si moi, j'étais en train de faire mon gazon dehors, puis je voyais mon beau-père s'en venir du métro avec ses sacs d'épicerie, là. Il était comme zéro imposant en s'en venant, de la manière qu'il marchait, de la manière qu'ils l'ont habillé, j'ai trouvé ça comme tellement Il a 72 ans aussi, hein, comment ça va? Non, je sais, mais tu sais, il aurait pu le mettre un peu plus... donner un peu plus de prestance. Ouais, le filmer comme par en bas pour lui donner une grandeur, ouais, peut-être. C'est ça, puis c'est ce qu'ils ont manqué un peu. Fait que je trouvais qu'ils ont fait une entrée grandiose pour montrer « c'est Chuck Norris qui arrive ». Puis je l'ai dit à ma femme, j'ai dit ça, « c'est ton Chuck Norris qui arrive ». Puis après ça, c'est comme ça foire un peu. Puis il est moins, après ça, il est comme moins impressionnant que j'aurais aimé qu'il soit. Mais ça enlève pas le fait que c'est un excellent film. Louez-le si vous l'avez pas vu ou allez vous l'acheter si vous aimez beaucoup les films d'action. Vous allez passer un très bon temps à regarder ce film-là. Puis j'y donnerais un solide, pour un film d'action, j'y donnerais un solide 8.5 sur 10. D'ailleurs, juste pour revenir à Chuck Norris, tu sais, il y a ces fameuses phrases-là, les Chuck Norris facts. Il en fait un dans le film. Il l'a choisi avec sa conjointe et lui qui l'ont choisi pour le mettre dans le film. Et j'ai trouvé que c'était probablement l'un des pires que j'ai jamais entendu. Il y en a tellement des mieux que ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est, je veux dire, oui, il est là, c'est super le fun de le voir dans le film, mais j'aurais aimé qu'il mette un peu plus sur un piédestal, comme il est sur Internet. Comme la joke, c'est ça. Mais bon, c'est pas grave. Il fait un beau petit caméo, il est là une couple de fois. Ce qu'il fait, c'est vraiment quand même top, là. Je veux dire, quand il est à l'écran, il a sa place, c'est très bien. Mais je suis un petit peu déçu, pareil, de ce qu'ils ont donné comme rôle. J'aurais aimé un peu mieux pour Chuck Norris. Donc, un 8.5 sur 10. Ça vaut la peine. C'est en location actuellement. Donc, soit achat, soit location. Pour les gars qui trippent ces films d'action, même les filles aussi, il y en a quelques-unes. Je sais que ma blonde, moi, ça ne tentait pas. J'écoutais ça tout seul de mon bar, puis j'étais crampé tout le long. Puis j'ai donc bien fait des phases de « Ah, c'est lui! Yeah! » J'étais super heureux. Non, c'est ça, c'est un film qui est le fun parce qu'on voit du monde qu'on voyait déjà avant. T'sais, non, c'est vous allez passer du bon temps. Yes. Dominique, on y va avec toi pour ton test de jeu. Tu t'es tourné vers la PS Vita cette semaine avec le nouveau Assassin's Creed 3 Liberation. Et non, ce n'est pas le même que sur les PlayStation 3, Xbox 360 et Wii U. C'est pas le même personnage. On contrôle cette fois-ci une petite dame dans le rôle de l'assassin. Hello, you more jingle. Ben, on n'en a pas, dame. Il n'y en a pas ici. On n'a pas de budget. Ben, c'est pas qu'on n'a pas de budget, on n'a juste pas de temps à perdre avec ça. Ouais, bon. Moi, j'ai la question qui tue pour commencer. Au moins, y a-tu moins de bugs que dans Assassin's Creed 3? Oui, effectivement. OK, bon, c'est bon. Mettons que c'est dur d'en faire plus. C'est un jeu qui a moins d'envergure aussi, donc en partant, c'est un peu plus facile à faire, mieux optimisé aussi. Là. C'est dur d'en faire plus. Je peux-tu parler? Oui, vas-y. Veux-tu que je la fasse, ma critique, ou pas? Ah, peut-être. Eh non, c'est une joke, je t'aime bien quand tu fais dodo. Ben bon. Assassin's Creed 3 Liberation, c'est un jeu qui est développé par Ubisoft Sofia. Bon, vous demandez peut-être c'est qui ce studio-là. Ils n'ont pas fait grand-chose à date, à part Shadow Wars, Ghost Recon Shadow Wars, qui était un jeu sur 3DS, au lancement de la console, que moi j'aime bien. C'est un genre de tour par tour, mais un jeu de tir tour par tour. C'est assez bizarre quand on dit comme ça, là, mais ouais. Ça reste un bon jeu de 3DS. Moi, j'ai adoré mon expérience. C'est publié par Ubisoft. Puis, comme tu disais tantôt, c'est quoi le scénario? C'est que ça prend place dans la même époque qu'Assassin's Creed 3, donc dans la Louisiane au 18e siècle. Le personnage qu'on campe, c'est Aveline de Grand Prix, qui est un mélange d'une esclave africaine puis d'un soldat français, dont son nom vient de là, puis sa couleur de peau vient de l'autre, évidemment. Le but, c'est qu'on doit se battre pour libérer la Nouvelle-Orléans d'une domination hispanique. Puis, ce faisant, on va rejoindre la confrérie des assassins en 1759. Donc, c'est un peu ça, en fait, le but. C'est de contrer l'espèce d'esclavage dans ce temps-là. Bon, pour y arriver, il va y avoir plein de choses. On va falloir passer par des rues animées, des marécages, bon, etc. On a quand même un bel arsenal d'armes. Bon, on a des pistolets, on a une sarbacane, on a une machette, on a aussi les fameux couteaux là, qui a fait de la renommée d'Assassin's Creed là, au poignet, là. Évidemment, qui est comme l'arme secrète. Aussi, on a un parallèle à faire avec Assassin's Creed 3, OK? De dire que c'est complètement différent, oui et non. Parce qu'à un moment donné, on va rencontrer Connor Conway, qui est le principal personnage de Assassin's Creed 3. Là, je dirais pas son nom indien, là, parce que je me trompe tout le temps, mais je vais laisser ça comme ça. Puis on va se battre à ses côtés aussi. Donc, il y a un parallèle à faire entre les deux quand même. Côté durée de vie, c'est quand même bon. Ça donne pas loin de 20 heures. Si je me fie à ce qu'on avait avant sur console portable, qui était la DS et la PSP, je me souviens, la PSP Bloodline, je crois, c'est Assassin's Creed Bloodline, ça durait à peu près 4-5 heures. Pour un volet Assassin's Creed, c'est vraiment, mais vraiment pas beaucoup, même si c'est un volet portable. Là, on sait que la PS Vita, elle peut en donner plus parce que c'est comme une PS3 à ses débuts. Donc, tu peux en mettre beaucoup plus. Fait que 20 heures, c'est bon. C'est composé de ceux qui connaissent un peu la série. C'est des séquences ADN. Donc, il y en a 8 dedans au total. En plus de ça, ben, il y a des quêtes annexes. Ceux qui connaissent un peu la série, vous savez qu'il y a une quête principale, mais il y a souvent des quêtes annexes aussi qui viennent avec ça. Pour les contrôles, vous ne serez pas dépaysé, honnêtement. C'est la même chose qu'ils nous ont offert dans les autres volets. Donc, on attaque, on contre-attaque, on attaque, on contre-attaque. Malheureusement, l'effet de 5-6 soldats qui vous entourent, ils ne vous frapperont pas en même temps. Donc, ils attendent qu'il y en ait un qui a frappé, vous le frappez. Après ça, whoop, il y en a un autre qui vous frappe. T'sais. J'aurais même un petit peu plus de réalisme de ce côté-là, mais c'est pas encore ça, malheureusement, cette année. Autre chose à retenir, c'est qu'il y a un système de combo qui a été mis en place, donc ce qui rajoute encore à la facilité des combats. Okay. Un peu comme Street Fighter avait fait sur la 3DS, que Tekken avait fait sur la 3DS aussi. Il y a un système de combo qui est mis en place. Ce que j'ai aimé aussi, les fonctions tactiles de la console sont prises en compte. Comme par exemple, au début du jeu, je me souviens que, parce que j'ai pas joué beaucoup, j'ai joué peut-être un 4-5 heures jusqu'à date, mais j'aime bien ce que j'y vais à date. Ce que j'ai aimé, c'est que, bon, disons, on reçoit une lettre à un moment donné. Pour l'ouvrir, ça a l'air niaiseux, mais il faut que tu pinces ta console en haut, à droite, en arrière puis en avant. Tu glisses, mettons, tes doigts de gauche à droite, puis c'est comme si tu ouvrais une lettre. Ça, j'ai trouvé ça bien. Au moins, ils exploitent un peu le côté tactile de la console. Il y a bien d'autres choses qui s'en viennent, je sais. J'ai lu un peu là-dessus, mais bon, je me suis pas rendu encore, parce que ça me donne rien d'en parler. J'aime aussi le fait que Aveline, elle a trois espèces d'ensembles à mettre dans le jeu. Il y en a un, c'est bon, l'assassin, c'est ça, donc elle peut grimper partout, faire tout ce qu'elle peut. On a l'esclave aussi. Ça, faut faire attention à des missions en étant esclave. Donc, faut pas que tu te fasses prendre à rien transporter. Quand tu passes près, mettons, de certaines personnes, tu veux jaser avec eux autres, ben faut que tu rentres dans le rang. Donc, si ils sont en train, mettons, de creuser quelque chose, ben faut que tu prennes une pelle et tu creuses avec eux autres. Donc, tu rentres un peu dans les rangs. Fait quand même, en même temps, tu peux comme faire tes enquêtes un peu. Ça, je trouve ça bien aussi. Ça rajoute à l'immersion. Puis le troisième ensemble qu'elle peut mettre, c'est l'ensemble de la jante dame. Tu sais, la haute, là. Donc, tu sais, si tu vas acheter des vêtements pour quelqu'un, ben là, il y a quelqu'un qui va suivre avec un paquet cadeau dans ses mains. Tu as plus de pouvoir un peu aussi. Par contre, tu peux pas sauter, puis tu peux pratiquement pas te battre non plus à habiller comme ça. Fait que, tu sais, c'est trois différentes mécaniques de jeu qui apportent vraiment quelque chose de plus à l'expérience. Côté graphisme, le jeu, il est joli. Tu sais, ça, on s'en sortira pas. Assassin's Creed, ça a toujours été basé comme ça. Par contre, j'ai eu quelques ralentissements à un moment donné, puis pas pendant des phases de combat, là, juste des phases que je courais un peu ou quelque chose comme ça. Je trouve ça un peu gênant, mais bon. Le jeu, il est beau, oui, mais souvent, les décors manquent de détails un peu. L'occasion, je me passais vraiment sur le jeu de la PSP qui était sorti, qui s'appelait Bloodline. Donc, un peu décevant, il est très beau. Une question de puissance, peut-être à certains moments, on a coupé les coins ronds pour s'offrir une longue vie. Vu que c'est un monde ouvert, peut-être que oui. T'sais, c'est le premier jeu sur la console, vraiment, avec un monde ouvert comme ça. Fait que peut-être que le prochain qui va sortir va peut-être être mieux. En tout cas, j'espère, parce que Ubisoft a annoncé que ça deviendrait un nouveau volet Assassin's Creed. Liberation, ça va donner un nouveau volet, donc c'est pas le dernier qu'on va voir de cette série-là. Ça va donner comme une franchise à la franchise. Ça va permettre de sortir des titres une fois là. Ça va être l'avantage. Écoute, moi j'espère que le procès Assassin's Creed, on le verra pas avant 2 ans, qu'il laisse un peu les nouvelles consoles arriver sur le marché, puis peut-être 1 an plus tard, on en sortir un. Mais là, ça va être comme trop. Là. Fait qu'arrivez-moi pas l'année prochaine avec un nouveau Assassin's Creed, parce que là, je vais décrocher. Elle est bonne la franchise, là, mais si vous voulez plus rétro, monnaie, le monde va se tanner. Puis je vais terminer avec bon, ce qui est musique un peu. La musique d'Assassin's Creed, ça a toujours été un point fort. Okay? Celui-là, c'est la même affaire. Les thèmes musicaux, ils ont été composés par, là, c'est pas Winfred, là, c'est Winifred. C'est bizarre de nom, en tout cas. Winifred Phillips, puis Winnie Waldron, OK? Eux, ils ont déjà reçu des nominations aux Hollywood Music and Media Awards dans la catégorie meilleure bande originale pour un jeu vidéo, sur mobile, donc portable. OK. On s'entend que ça fait très fort. Puis c'est vrai que la musique est très bonne. Déjà, en mettant le jeu dans la console, on se plonge vraiment dedans, assurément. Donc, c'est un autre point fort. C'est je peux pas donner une note encore vraiment au jeu parce que il y a des points qui m'agacent un peu. Comme le multijoueur, honnêtement, il ne sait pas grand-chose. C'est comme c'est. Tu joues, t'as deux gangs en fait dans le multijoueur. Tu joues soit comment je pourrais dire ça? T'as les Abstergo, OK? Puis de l'autre côté, ben, t'as comme les assassins. C'est une gang contre l'autre. Ouais, les Templiers contre les assassins. Ouais, j'ai pas. Non, c'est. Ben, c'est ouais, c'est un peu ça, mais je trouve ça un peu. Je veux dire, ce jeu-là, là, j'aurais pris bien plus un 5 à 10 heures de plus, mettons, de la campagne. Puis m'enlever le mode multijoueur. Je veux dire, Assassin's Creed, le mode multijoueur peut être bien pour certains, mais honnêtement, c'est pas une franchise qui en a vraiment de besoin. Si tu m'arrives avec une campagne en coop, ah peut-être. Là, ça pourrait être bien. Faire des assassinats à deux, ça serait cool, tu sais. Mais de rejoindre les rangs des assassins ou des agents d'Abstergo, puis se battre un contre l'autre. Mais non, c'est très arcade. Je suis pas sûr, honnêtement. Tu sais, c'est. Oui, t'as beaucoup de monde en ligne, ça va quand même de 2 à 64 joueurs. Mais Assassin's Creed, pour moi, c'est une aventure qui se vend solo seulement. Fait que, tu sais, c'est des petits points comme ça, tu sais, la fluidité un peu qui est mise en compte. Fait que, j'ai pas vraiment de note à donner, mais ça reste quand même le meilleur jeu de la série sur console portable. Moi, je rêve avec cette franchise-là, là, d'un World of Assassin's Creed. Où est-ce que t'as deux clans, t'as les Templiers, t'as les Assassins qui s'affrontent dans un monde ouvert avec des missions que tu peux faire en gang. Je peux te dire pourquoi que ça marchera pas. On pourrait tellement faire de quoi de génial avec ça si on se donne le temps de bien le produire. Je peux te dire de quoi ça marchera pas. Parce que la période avec les Templiers, tout ça, c'est terminé. Le monde, il va jouer la période qui est présentement dans le jeu. Ouais. Donc, il faudrait que tu fasses un jeu qui donne plus de périodes, plus de temps, plus de... T'sais, c'est là, les Templiers, t'y reverras plus. Là, t'es rendu à la Révolution américaine. Puis le prochain jeu, je sais pas, ça va être quoi. Bon, on peut revenir dans le passé. Cette série-là peut tellement se positionner n'importe où. Ils ont fait deux volets plus deux extensions. Ils ont fait quatre jeux ici, même cinq. Même six, si tu prends les deux jeux sur console portable. Six jeux de la même période, c'est assez. Maintenant, à un moment donné, faut que tu passes à d'autres choses. Mais de toute c'est façon, juste normal. Même si c'est dans le monde d'aujourd'hui... que ça se nomme des Templiers ou que ce soit Abstergo avec ses employés ou ses membres, ça revient pas mal au même. Tu peux faire deux factions, là. Ouais, mais je suis pas convaincu, honnêtement. Qu'ils fassent un film, c'est correct. Qu'ils continuent la franchise, c'est correct. Mais non, je penserais pas, honnêtement. Un MMO dans l'univers d'Assassin's Creed... Moi, je pense que ça se porterait tellement bien, là. Ben non, parce que ça serait juste des assassinats tout le temps. Tout le monde sauterait dessus, puis s'assassinerait, puis tu sais, t'aurais pas vraiment de but là-dedans. Fait que, je suis pas convaincu. Honnêtement, peut-être que ça peut être une bonne idée pour les autres, mais moi, je crois pas à ça, honnêtement. Chacun a notre vision, puis de toute façon, c'est pas nous autres qui le contrôle. Fait que, on va suivre qu'est-ce qu'ils vont nous donner. Ouais, mais fie-toi à moi, regarde, t'as acheté Forza Horizon, puis regarde, t'as fait un bon choix. Mais t'as pas toujours 100% raison, mané, là. Non, pas tout le temps, mais souvent. bon, c'est ça. Mais tu sais, on appelle ça un lien. Regarde, je t'ai amené vers ta critique. Ouais, Forza Horizon, c'est le titre à lequel je m'adonne depuis... ça fait deux semaines maintenant que je suis là-dessus et... Mais avant que tu commences, est-ce que tu as touché un petit peu à WWE 13? Non, pas encore. Non, vraiment, là, j'ai pas touché de la semaine à Assassin's Creed. J'ai pas touché à WWE 13. Ma console, ma Xbox 360, est rendue là. Je joue tellement Forza qu'elle est rendue qu'elle est capable de lire même si le disque est pas là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Non, c'est pas vrai, là. Mais ça, elle connaît par cœur. Ouais. Juste avant que tu continues, WWE 13, le problème, c'est que le mode Attitude Era, il est vraiment excellent. Ça, j'ai rien à dire. Mais de me faire continuer, tu as des objectifs comme « Ah, faut que je fasse 4 choke slams, après ça, faut que je fasse 2 tombées, mais là, avec un lutteur sur un autre lutteur. » Fait que tu sais, ça vient comme, si t'es pas capable de le faire, tu peux pas avancer. Mm-hmm. Puis il y a des affaires que tu peux pas débloquer. Fait que tu sais, j'aurais aimé ça comme, juste revivre, mettons. Comment que ça s'est fini? OK, tu le bats, d'attitude, tu passes à d'autres choses. Non, t'as des objectifs à plus à faire. Je trouve ça un peu plat. Ça te fait par la main un peu. Parce que je l'ai fait peut-être en 6 heures, le mode, puis je me suis tanné, je me suis dit, OK, c'était ça, l'idée était bonne au départ, mais t'as trop justement dedans. C'est ça le problème. Yeah. Donc, je reviens avec Forza Horizon. C'est un jeu qui est disponible sur Xbox 360. C'est une exclusivité développée par Playground Games et Turn 10 Studios. C'est ça. 13. Entertainment. Mais... c'est Turn 10 Studio. Donc, c'est en français. Turn 10 Studio. Ça sonne vraiment turn mal. Turn 10 Studios. Voilà, merci Luc. Au lieu de rire de moi, toi, t'es constructif. Ah, non, il a ri de toi, je l'ai entendu, mais ça, tu l'as pas entendu, c'est pour ça. Non. C'est sorti le 23 octobre dernier et le mode histoire, écoute, il n'y a pas grand-chose en termes d'histoire. On se retrouve dans un festival de course dans l'État du Colorado aux États-Unis et il y a quelqu'un qui gagne à chaque année qui s'appelle, qui se nomme Darius Flint. Il est numéro 1. Toi, t'arrives, t'es un nobody, un inconnu. T'es 250e dans le tournoi et dans le festival, il t'essaie d'arriver numéro 1 et de battre tous les autres. Voilà, donc, prémisse de base. C'est un Forza dans la lignée des Forza. Réalisme, mais on a un petit peu assoupli la conduite automobile, plus arcade. Pour ceux qui ont déjà joué à Need for Speed Underground 2 et 1, dans un monde ouvert, c'est ça qui est offert, c'est des courses mode... oui, vas-y. Je veux pas te dire que j'ai raison encore, là, mais bon. Réaliste, on va repasser, il n'y a aucun dommage chez les autos. À part apparent seulement. Physique, on va oublier ça. Là. C'est parce que tu me laissais pas y aller, là. Je me rendais... Ah oui, mais tu passes par Trois-Rivières pour aller à Chibougamau. Mais oui, mais c'est parce que ça peut le faire pareil. Il y a un ordre dans lequel je veux dire les choses. Mais bon. Ça, t'es animateur de radio, tu des fois, c'est comme tu pars d'un point A pour être rendu au point Z. On tricote en onde. On apprend à faire ça comme animateur. On fait du temps. T'as pas le temps de faire du temps. Non, c'est ça. Ben, vite, je me dépêche. Donc, c'est ça. Il y a un côté réalisme dans la qualité de la facture visuelle. C'est très, très joli. Les voitures sont bien rendues. Mais comme Dom, tu le disais, il n'y a pas de dommages physiques. Ça n'altère pas là, de rentrer dans les autres voitures. Ça n'altère pas les performances des voitures. Physiquement, non. Oui, ils ont de l'air égratignés, ils ont de l'air enfoncés, mais ça ne change pas grand-chose. Ce que je peux comprendre dans ce jeu-là, qui est résolument plus arcade, dans le style de conduite, plus permissif, on a les fameux comptes à rebours un peu, là, on peut revenir de quelques secondes quand on fait des gaffes. Plus permissif aussi dans la conduite, là, les lignes de course, c'est correct, là, tu peux te déporter dans le décor un peu, puis être quand même en mesure de venir. Comment t'as trouvé ça, toi, l'espèce de flashback illimité? T'sais, tu peux le mettre, mettons, deux ou trois par course, mais comme que c'est illimité, ça facilite grandement le jeu, honnêtement, parce que le jeu, il est déjà pas difficile à la base. Ben, écoute, je commence, là, je suis dans la dernière échelle là, du jeu, là, il y a comme 7 bracelets pour se rendre au numéro 1, et je commence à parfois utiliser le rewind, là, le reculon, mm-hmm. Pour revenir dans le temps, et je savais même pas qu'il y avait pas de limite, tellement je l'ai pas utilisé, là, j'ai peut-être une... fois aux deux, trois courses que je l'utilisais. Fait que tu sais, quand tu disais la semaine passée que j'étais pas bon comme pilote, dans ta pipe, le gars. Ouais, mais là, est-ce que t'as la ligne verte? Est-ce que tu suis trop la ligne verte? Ça va vous freiner pis tout ça? Ou... Non, il n'y a pas de challenge d'abord. Je pense que tu mets aussi conduite assistée dans les options. Non, ça, c'est enlevé, par exemple. OK, mais enlève la ligne verte au moins. Là. OK, tu vas-tu bien me laisser jouer comme je veux? Ben non, mais arrête de dire que t'es un pro de bord, là. J'ai pas dit que j'étais un pro, j'ai dit que je me débrouillais. En tout cas, tu viens de me mettre dans la face, mais moi, je te l'ai remis en double, mon gars. Laisse-les donc finir le jeu, puis s'il veut, il recommencera. Ben pas oui. De ligne verte, pas d'assistance, pas rien. À chauffer de reculons, si ça y tente. Non, il peut bien jouer à des jeux faciles, puis les finir, puis dire « Ah, c'était tellement bon! » Ouais. Ben oui, mais j'aime ça, moi, passer à travers les jeux de A à Z, même si je suis pas un grand gamer comme toi, bon... Non, c'est ça. C'est ça que tu voulais, je te flatte dans le sens du poil, c'est fait. Bon, va-t'en. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Dans les points positifs, la diversité des environnements, on passe d'endroits où est-ce que c'est des champs, où est-ce qu'on cultive, à des montagnes, à des endroits où est-ce que ça semble être l'automne avec les arbres en feuilles. Très, très joli le jeu. Aucun bug ou presque. J'en ai pogné peut-être un ou deux. Où est-ce que tu affrontes les boss de niveau et le boss décide qu'il se tourne dès le départ complètement à gauche et qu'il rentre dans celui qui décolle, qui est le marqueur là, pour démarrer la course. Ah, il fait un marqueur chemin de lui-même. Il reste pogné dedans. À part ça, j'ai pas vu grand-chose, voire rien pour un monde qui est ouvert. Ouvert, semi-ouvert, parce qu'on s'entend qu'on sort pas bien des limites de la route, ce qui rend ça moins ouvert un peu, on s'entend. Sauf que tu peux faire ce que tu veux, ça j'ai trouvé ça ouais. Bien. J'ai trouvé dans les points positifs la musique, bien sûr, les Black Keys, Skrillex qui est là, Neon Trees, Arctic Monkeys et encore bien d'autres. La radio qui est très, très réaliste dans les commentaires et aussi dans les interventions. Laquelle que tu prends? Parce qu'il y a trois sortes de radio. Il y a Pulse et la Horizon Rocks que je prends. L'autre, c'est trop boum boum. Genre l'électro, je ne sais pas trop. Ouais. Là, ouais. Mais ça, c'est un point qui est un point positif. La radio, tant qu'à l'avoir, elle est très, très bonne. Bonne liste de musique. Mais j'aurais aimé qu'on puisse rentrer notre propre titre dans une radio, un peu comme on pouvait le faire là, dans les GTA 4, entre autres, on pouvait le faire rentrer notre musique. Surtout qu'avec le nouveau service de musique de Windows, ça aurait été une bonne façon de le plugger. D'après moi, pourquoi tu peux pas le faire, c'est que tu as plusieurs annonces faites par un animateur aussi. Tu as la fille qui te parle aussi souvent, qui donne des conseils. Fait que ça aurait peut-être brisé le rythme aussi. Oui, mais tu sais, tu peux savoir quand la pièce a fait plus de bruit, quand les morceaux, le niveau sonore est bas, tu enclenches là, tu fais ta track de son qui est de radio qui est préenregistrée, elle dure 30 secondes, puis that's it, c'est tout. Tu sors de là, tu dis ça parce que t'es un animateur de radio, mais c'est pas tout le monde c'est qui pas, pense à ça. Oui, je sais, mais c'est parce que moi, je suis le genre de joueur qui, habituellement, coupe le son des jeux. J'écoute des podcasts, j'écoute de la musique autre. Ah, j'écoute non, moi, je suis pas capable. Surtout que la musique est tellement bonne maintenant dans les jeux vidéo que tu manques au moins 50% du jeu. Ouais, mais je maximise mon temps de l'autre côté. Ça me permet de faire d'autres choses en même temps que de jouer. Fait que moi, je suis comme ça. Depuis que je suis jeune, que je joue pas de musique dans les jeux, que j'écoute d'autres choses en même temps. Donc, d'avoir pu mettre mes pièces dans le jeu, j'aurais trouvé que ça aurait été un avantage. Je le compterais pas comme étant un défaut. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu joues maintenant à des jeux de rôle qui a beaucoup, beaucoup de textes? Ben, je vais mettre les sous-titres. OK, fait que t'écoutes pas vraiment conversation. Non, tu peux juste lire le texte à l'écran? Ouais. OK, c'est une manière de jouer, mais... Ben, c'est bon, c'est à moi, puis c'est pour ça que je peux pas le compter comme étant un point négatif. D'ailleurs, c'est un des seuls jeux où est-ce que j'ai mis la musique tellement que les pièces sonores et l'animation étaient bonnes. C'était comme un dilemme. J'écoute-tu un podcast? J'écoute-tu... Qu'est-ce que je fais, là? Puis là, quand ça parle, je coupais le son du podcast, puis là, Les bruits de moteur sont très bons aussi. Ouais, un peu débalancé, par contre. Les bruits de moteur très forts. Semblable, je trouve. Par rapport au son des interventions humaines, des voix, je trouvais que le son des pneus, des moteurs était beaucoup plus fort que ce que la musique était. Tu peux toujours le changer des options. Ça. Mais encore là, c'est comme ensemble. Puis j'ai pas été en mesure de trouver un calibrage qui me plaisait ou est-ce que les voix étaient vraiment mis de l'avant. Contenu du jeu, bien massif, les styles de course, on affronte des avions, des montgolfières, tout plein de trucs, des modes de course très, très intéressants, des contre-la-montre, des contre des adversaires, des tours de piste ou encore du point A au point B. Style semi-arcade de course, ça donne une certaine liberté, ça amène un côté fun, le titre est résolument très, très plaisant. Il n'est pas là pour te frustrer en tant que joueur. Si tu veux enlever les aides de conduite, si tu veux enlever les lignes vertes qui t'indiquent la meilleure ligne de course, tu peux le faire. Ça te tente de sacrer puis de rager. Mais le jeu n'est pas là pour ça. Puis c'est correct, en mon sens, à moi. Et je l'ai trouvé très immersif. Je ne suis pas capable de m'arrêter de jouer. C'est rare qu'un jeu de course me fait ça. Et celui-là est en mesure de le faire. Point négatif. La musique, j'ai dit, j'aurais aimé ça qu'on puisse avoir de la musique personnalisée. Liste des voitures disponibles. C'est un peu mince par rapport à ce que les Forza habituellement nous ont habitués. Contenu téléchargeable. C'est ça, exactement. On s'est tourné vers ça. Je trouve ça dommage pour le joueur parce que le titre, écoute, on l'offre plein prix, mais il n'y a pas tout le contenu par rapport aux autres. Je trouve ça un peu... Ça, c'est parce que tu n'as pas acheté l'édition de collection. Et en plus, dans l'édition de base de Forza Horizon, il n'y a rien dans la boîte. Tu as le CD et c'est tout. T'as même pas de livret d'instruction, t'as rien. J'ai trouvé ça, c'est normal, c'est rendu une mode. J'ai trouvé ça un peu décevant. Et en terminant, les dommages sur les voitures qui n'affectent pas la jouabilité ni la performance des voitures. Et j'ai trouvé que le jeu était parfois vide. Oui, on croise des gens sur la route, mais à part le secteur central où est-ce que le festival, le reste, on dirait que c'est mort. Il n'y a rien qui se passe. T'sais, la ville est comme stand-by, en attendant qu'il se passe des événements. Puis encore là, c'est censé être un gros festival avec des courses, avec bien du monde qui viennent voir ça. Puis tout le long des courses, t'as pas d'estrade, t'as pas de rassemblement de personnes. J'ai trouvé ça un peu vide. Pour une note, je vais y aller avec un 8 sur 10. Excellent pour un jeu de course. Ça me rappelle justement les Need for Speed Underground que je trouvais excellent, que j'aimais là, le fait qu'on pouvait aller tout seul dans l'univers. Et il y a beaucoup, beaucoup de modes de jeu et du contenu qui s'en vient aussi. Les modes en ligne semblent très intéressants si on est en mesure d'amener du contenu régulièrement et de faire qu'il y ait un c'est une compétitivité entre les gens. Je pense que la gang de Playground Games vont être en mesure d'avoir un titre qui va bien vieillir avec le temps. Je pense que c'est un bon début. On pourrait y aller avec un Horizon 2 dans quelques années que je serais très content de m'y remettre. Je pourrais dire que le 18 décembre, il faudrait que tu trouves 1600 points. Oui, il y a une extension massive rallye. Oui, ça s'appelle Horizon Rally Championship qui va regrouper 7 rallyes avec plusieurs divisés en plusieurs épreuves. Ça risque d'être assez intéressant parce que le seul jeu de rallye qu'ils nous offrent depuis quelques années, c'est essentiellement Colin McRae, c'est la série Dirt. Ouais. Donc avant, on avait l'excellente série Rally Sports Challenge 1 et 2 sur la première Xbox, mais ça n'a pas suivi, malheureusement, le studio a fermé. Donc, ça pourrait être une très bonne alternative à ce que Codemaster nous offre justement avec Dirt, avec Grid. J'ai vraiment essayé ça, voir le mode rallye, qu'est-ce qu'ils vont avoir intégré dedans, qui devrait être intéressant parce que ça ne sera pas avec le jeu en tant que tel. Ça va être vraiment un mode entier. Je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé ça que ça soit connecté. Puis là, tu débloques une nouvelle route, puis tu peux t'en aller dans cet univers, dans les montagnes, peut-être résolument plus rallye. J'aurais trouvé ça sympathique, le fait que ça soit comme un peu à l'écart. Je trouve que ça va défaire peut-être le sentiment d'unité qu'il y a dans le titre. Ben, même si... parce que c'est deux styles de course complètement différents aussi. Mais c'est pas grave. Quand t'enclenches la course, tu rentres et t'es en mode rallye dans celle-là. Tu sais, ça aurait pu être... Je pense que ça aurait pu être intégré, mais peut-être que pour coder ou peut-être que les producteurs de cette partie-là du jeu ne sont pas les mêmes que pour le Horizon... au complet. Là. C'est sûr. Mais peut-être que c'est ça qui fait que c'est séparé. Pour le prix, on s'entend que c'est le prix d'une extension complète. Ouais. Tu sais, à 15$, je pense que ça vaut la peine quand même. Puis c'est normal qu'ils le font en mode entier parce que s'il y avait juste ça comme étant un petit contenu téléchargeable, à 15$, ça revient cher. Fait que si tu l'offres comme étant une extension complète, je suis parfait. Je trouve que 15$, ça vaut la peine. Tu vas avoir des extensions dans... je me rappelle... Assassin's Creed 2, tu avais des extensions puis qui restaient quand même dans le même monde. Tu n'avais pas besoin de sortir dans un autre monde. Ouais, mais c'est déjà un monde ouvert en tant que tel, Assassin's Creed. Fait que, tu pouvais l'intégrer facilement. C'est comme... quel jeu qui faisait ça? Donc, tu fais rentrer dedans. Ah oui! Borderlands 2, le Pirate Booty. Là. Faut que t'aies dans, c'est dans le jeu que ça se passe, mais faut que tu aies dans une place. Tu rentres mettons, dans une espèce de porte. Mettons, si tu as acheté contre le genre, puis tu vas débloquer cette partie-là du monde. Mais tu peux le faire dans des mondes ouverts comme ça, mais dans un jeu de course, c'est un peu plus touché à faire. Surtout, c'est pas le même style, donc c'est pas vraiment relié, ça sera pas les mêmes voitures, ça sera pas la même prémisse en tant que telle. Fait que je peux comprendre un peu le choix des développeurs là-dessus. Ouais, j'aurais aimé que ce soit ensemble, mais bon, c'est pas bien grave, on verra ça quand ça sera sorti. T'as déjà du rallye dans Forza Horizon, me semble. Moi, j'ai joué à démo, mais t'as une course avec une Lancer Evolution où ce que t'es dans terre. Ouais, c'est ça. Il y a des courses qui sont plus rallyes déjà. Fait que je vois mal pourquoi qu'on le sépare entièrement du reste. C'est vraiment une décision logistique plus que d'autres choses. Ouais, c'est ce que je pense aussi, que ça a été créé par un autre, peut-être studio ou complètement à part, puis au lieu de sortir. Non, c'est le game designer de Playground Games qui l'a annoncé. OK. C'est surprenant. C'est à voir. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Les jeunes hommes, qu'est-ce que... Je me sens pas interpellé là-dedans. Non, hein, c'est ça. C'est moi le plus jeune en plus. Fait que c'est pour ça que c'est drôle. À quoi allez-vous jouer cette semaine? Vas-y, Luc. Ben moi, je vais me lancer dans... m'avancer dans The Walking Dead pour essayer de vous en parler dans un avenir rapproché. Donc, ça va pas mal. Ma semaine va probablement être là-dessus. Yes. Dom? Oui, je vais continuer mon histoire dans Assassin's Creed Liberation parce que, à part Gravity Rush, c'est le jeu sur la PS Vita qui me donne le plus de satisfaction jusqu'ici. Puis Dieu seul sait qu'il n'y a pas beaucoup de jeux sur la PS Vita. Je vais commencer mon aventure que j'ai bien hâte demain, que je vais me procurer Hitman Absolution. Et croyez-le ou non, je l'achète sur la PS3. Oh. Et oui, j'achète des jeux sur PS3, ça arrive. tout simplement parce que le jeu est offert en français seulement sur la PS3 présentement. Square Enix se sont dit « Bah, sur la Xbox, pas grave. » Puis la réponse de Square Enix par rapport à ça, « Ben, oh, ils pensent de le faire en français, mais on sait pas quand. » Fait que c'est un peu imbécile comme raison, mais bon. Il a été développé où, ce jeu-là? Square Enix, d'habitude, sont au Japon, là, mais okay, ils ont une filiale. Mais en tout cas, je trouve ça un peu... Non, c'est pas Hitman's Absolution, c'est pas Eidos Montréal qui l'ont. Ils ont le prochain, mais c'est pas eux autres qui l'ont. OK. Parce que ça, j'avais entendu des rumeurs comme quoi qu'il y avait Hitman, mais il me semblait que c'était pas celui-là aussi. Non, le prochain, il va être développé par Eidos Montréal. Surtout que le contenu est disponible. Tu l'as déjà traduit, tu l'as déjà fait, pourquoi pas sur les deux plateformes? Ce qui est vraiment le fun, c'est que quand tu achètes l'édition de collection, d'habitude, les éditions de collection sont seulement en anglais. On s'entend là-dessus. Puis moi, justement, je croyais pas Martin, le gars au micro-p, je disais, ben, le jeu ordinaire peut être en français, on s'entend, là. Mais l'édition de collection ne sera jamais en français, là. Il l'ouvre, il me le met d'en face, et aussi bien sous-titré que les voix sont en français. J'ai dit, torpinouche. Oh ben. Il avait raison. Mais non, je vais jouer à ça, peut-être continuer un petit peu Halo. Je vais jouer à des jeux de Wii U, c'est certain, pour continuer mon expérience, parce qu'il y a quand même 20 titres qui sont sortis au lancement, donc c'est beaucoup. Ça va être pas mal ça, je te dirais, cette semaine. Ça compense pour le nombre de consoles de disponibles. Oh! Donc voilà, c'était mon éditorial de la semaine. Une phrase résume tout. Et ouais. Et moi, de mon côté, ben je vais continuer Forza Horizon pour le plaisir. Et ben lâche les Pokémon. Moi, ouais, je pense que j'aurai pas le choix. Je vais devoir faire une cure de désintox. Commence Halo 4. Ben, il faudrait que je l'achète, ce qui ne risque pas d'être le cas cette semaine. Et WWE 13, faut bien que je m'y adonne. Mais je pense sincèrement que je vais aller me chercher le contenu téléchargeable de Sleeping Dog, spécial pour l'Halloween, qui semble être hyper intéressant. Je vais peut-être en faire la critique, vu que c'est pas très long. Je vais voir comment est-ce que ma semaine va dans se dérouler. Dans mon top 10 de l'année, moi. Ouais, moi, c'est pas mal mon jeu de l'année. Sans brûler de punch, là, c'est le jeu qui m'a fait avoir le plus de fun. Je sais que c'est pas le jeu... Tu sais, techniquement, c'est pas le meilleur. Mais en termes de... J'ai eu du plaisir. Écoute, il est mon numéro 1. Avec le style de combat de GSP, que demander de mieux? Ouais, moi, un mix entre un film de Jackie Chan puis Assassin's Creed puis un GTA, je peux pas rien dire de mal. Tu peux promettre de quoi d'ici la fin de l'année, Jean-Benoît? Ouais, vas-y. Essaye, s'il vous plaît, Dishonored. Fais juste essayer. Il est en vente sur Steam. Il est en vente sur Steam cette semaine. Aujourd'hui, je pense qu'il est 29$. Si t'aimes les jeux ouverts qui sont furtifs, que essaye pas de le faire à bourrin, tu réussiras pas, là, qui donnent plusieurs, mettons, si t'as une place à aller, là, tu peux passer par 4-5 endroits différents pour arriver au même but. Là. Tu vas probablement aimer ça si t'aimes ce style-là, comme Assassin's Creed, tu sais, un peu au monde ouvert. Là. Faut que tu me promettes, il te reste pas grand temps, il te reste un mois. Mais quand même, tu sais, c'est. Alors écoute, avant qu'Halo 4 sorte, c'était probablement mon jeu de l'année. Ouais. On vous retrouve comment sur Internet? Parce que là, il va falloir qu'on y aille. Ouais. Luc, sur Internet? Oui. Sur Twitter, AskAlazormo. Si vous voulez voir le contenu que je fais, juste aller sur le site de factorgeek.com dans la section podcast. J'ai deux podcasts là, Histoire de Gamer et le podcast auto, en plus de Réalité Augmentée. Hey, t'as eu Denis Talbot? Oui, ce matin, j'ai fait le dernier épisode de la saison de Histoire de Gamer et mon invité, c'était Denis Talbot. On a passé un beau petit 2h20 ensemble à jaser. C'était vraiment extraordinaire. Il a fait ma semaine, Denis. Nice. J'ai hâte d'écouter. Luc? Oui? Plug ta chaîne YouTube aussi, c'est important. Ouais, mais ça passe tout à travers Factor Geek, donc c'est plus facile. Ouais, mais c'est pas grave, c'est important pareil. YouTube, là, c'est important. Mais si vous voulez aller voir mon canal YouTube où ce que j'ai les essais routiers et voir les rasages qu'on a fait l'été passé pour le camp, pour le défi tête rasée, juste chercher Luc Desormeaux sur YouTube. Vous allez voir tout mon contenu là aussi. Parce que je te dis ça comme ça, mais des fois, il y a des commentaires qui se retrouvent pas sur le site qui sont directement sur sa chaîne YouTube qui sont intéressants à les lire. Donc, tu sais, ça peut être intéressant pour les gens qui te suivent. Oui, j'en ai quelques-uns en anglais surtout. Oh! Effectivement. Dom, sur Internet? Hey. Factorgeek.com, effectivement. La deuxième année, ça en vient grosse pour nous. On a plusieurs projets en tête, moi puis Steve, donc les deux fondateurs du site. Regardez-nous aller les prochains mois. Factorgeek@commercial.gmail.com, ceux qui veulent nous écrire. Mon Twitter, DartSim. Facebook, c'est Factorgeek. Plus de ça, il y a avec toi. Là. Je suis pogné avec toi encore pour un bout de temps pour réalité augmentée. Donc, c'est un peu ça, là. C'est bien tannant, ça. Hein? Pogné avec moi. Je suis... accessible sur Twitter, à commercial gang J_B. Réalité augmentée a sa page aussi sur Facebook. Vous cherchez Réalité augmentée, vous allez nous trouver ou encore via Twitter. Réalité Aug, et non pas colleux en anglais. Non, ce n'est pas ça. C'est pour augmenter. Donc, Réalité AUG. Donc, vous pouvez nous trouver, vous pouvez discuter avec nous. On est disponible sur le site de factorgeek.com en différé, en direct sur les ondes de la radio CIELA et sur le site internet le www.cielamf.com et aussi sur iTunes pour nous écouter sur vos iPatentes lors de vos déplacements quand bon vous semble. Merci d'avoir été là, chers auditeurs. Merci à toi, Dom. Merci à toi, Luc. C'était Jean-Benoît Gagné avec vous et on vous dit à la semaine prochaine. Merci au meilleur animateur. Je te dois un chèque. Salut! Bye tout le monde. Ici François-Dominique Laramé, alias FDL des Nerds et de l'Analyse des Geeks. Vous avez aimé la réalité augmentée de ce soir? Bonne nouvelle, l'émission sera de retour la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Soyez-y. Thank you.